cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Comment identifier les individus? C'est un jeu que pratiquent les enfants. Qui est qui? Un homme? Une femme? Les yeux? La forme du nez? La taille? La couleur des cheveux? Ah, lui, c'est blanc, mi-long. Le visage buriné. Et le portrait parlé s'enrichit d'autres éléments. Il est né à Monaco. C'est un poète, un chanteur. Mais avec le temps, va, tout s'en va. Léo Ferré, bien sûr, albatros à chaîne et à guêtre, cigale qui claque du bec, poète vos papiers, poète vos papiers. Vincent Denis, bonjour. Bonjour. Plaçons-nous au XVIIIe siècle, je ne sais pas moi, allez, une date, 1764, vous êtes policier, je suis voleur, nous jouons aux gendarmes et aux voleurs. Comment pouvez-vous m'identifier? De quels moyens disposez-vous? On aurait, je dirais, plusieurs façons de faire. Je pourrais, par exemple, on aurait pu me donner des indications sur votre signalement physique, une description. C'est souvent comme ça que ça se faisait à cette époque-là. Alors, quand les gens s'étaient fait voler, ils allaient porter plainte, comme aujourd'hui, bien sûr. Et puis, ils indiquaient s'ils avaient une description physique. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait important au XVIIIe siècle, cette description physique, ce signalement avec, effectivement, comme vous l'avez lu un petit peu tout à l'heure, le cheveu, la mine, les vêtements, quelques indications comme ça. Mais c'est pas forcément suffisant. Donc on pouvait aussi tout simplement arrêter quelqu'un qui était prévenu par exemple d'un crime, peut-être attrapé en flagrant délit de vol ou suspect, et ensuite on pouvait chercher sur lui une marque judiciaire, puisque c'était encore une époque où on pouvait utiliser une marque judiciaire, c'est-à-dire marquer au fer rouge des individus qui avaient été condamnés, en particulier en France, aux galères, ou bien même pour vol, avec la marque V ou la marque GAL, par exemple. Et c'est difficile quand même, Vincent Denis, parce que aujourd'hui vous êtes dans le cours de l'histoire sur France Culture. Bon, je sais que vous êtes Vincent Denis, mais enfin, qu'est-ce qui me le prouve? Alors, au XVIIIe siècle, c'est bien difficile. On donne une identité, mais il faut la prouver. Oui, alors, effectivement, c'est une époque où les gens... effectivement, il y a quelque chose qui est un état civil, si vous voulez, ça ne s'appelle pas encore comme ça, un état des citoyens qui permet aux individus de prouver en fournissant des documents écrits pour leur démarche dans la vie quotidienne, assez rare encore, mais de plus en plus quand même au XVIIIe siècle, pour accéder à un emploi ou avoir d'autres documents. Et puis dans leurs interactions quotidiennes, c'est vrai que les gens, à la différence d'aujourd'hui où je dois avoir une dizaine de cartes à mon nom sur moi, c'est encore relativement rare qu'on ait beaucoup de documents. Mais alors, c'est quelque chose quand même qui devient de plus en plus courant, c'est-à-dire que de plus en plus l'administration naissante, les contrôles policiers aussi obligent les individus à se munir de documents écrits pour prouver leur identité, surtout lorsqu'ils s'éloignent de chez eux. C'est-à-dire que l'identité, elle est construite à cette époque-là dans les relations sociales, les interactions quotidiennes, c'est-à-dire que de toute façon, il n'y a pas besoin de papier à partir du moment où dans votre village, dans le cadre de votre communauté quotidienne, dans la région où vous habitez, les gens vous connaissent. On peut toujours aller trouver des témoins, vous pouvez toujours réclamer des témoins qui vont ce qu'on appelle vous avouer. Et par opposition aux gens qu'on appelle les gens sans aveu, c'est-à-dire justement des gens qu'on ne connaît pas et qui restent inconnus. Et ces gens-là, c'est ces gens-là qui inquiètent. Et donc, pour dissiper en quelque sorte l'étrangeté, l'opacité autour d'eux, ils sont obligés, d'avoir des documents écrits de toutes sortes, en réalité, encore, c'est pas tout à fait codifié comme aujourd'hui, qui leur permettent, quand ils se déplacent, alors en particulier quand ils se déplacent à longue distance, plusieurs centaines de kilomètres, de prouver leur identité. Et pour un voleur, effectivement, c'est très facile à cette époque-là, quelqu'un qui a commis un délit, c'est très facile à cette époque-là de changer, tout simplement, d'échapper à ses poursuivants, tout simplement en changeant de région, où il est à nouveau inconnu. Voilà. Et ce qui fait que parfois même on pouvait encore retrouver, il suffisait d'envoyer le nom d'une personne en fuite dans une autre ville pour pouvoir alors que c'était un criminel, pour pouvoir le retrouver. Les gens ne prenaient pas forcément la peine de changer de nom. Il suffisait simplement de changer d'environnement pour redevenir inconnu, puisqu'on perdait toute cette épaisseur des relations sociales qui faisait l'identité des individus. Au XVIIIe siècle, c'est vrai que les voleurs n'avaient pas encore lu les romans policiers ou vu les séries à la télévision. Ils ne savaient pas qu'il fallait changer d'identité. Vincent Denis, vous êtes maître de conférence en histoire moderne à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes l'auteur d'une histoire de l'identité dans la France de 1715 à 1815 avec Yves Senabou. Et puis, vous avez co-dirigé l'histoire de police d'Empire 18e, 19e siècle. Eh bien, justement, nous allons voir à quoi pouvait ressembler un brigand en 1764. Ledit l'abbé est âgé de 34 à 35 ans, taille de 5 pieds 5 à 6 pouces, le visage gros, plein et coloré, le nez moyen, les cheveux châtains tantôt frisés, tantôt en bourse et tantôt en queue, portant un habit de drap blanchâtre, une veste d'étoffe de soie violette, tantôt chapeau uni, tantôt bordé d'or ou d'argent, ayant quelquefois une redingote de drap blanchâtre garnie d'un collet d'étoffe rouge. Il va toujours à cheval et en change souvent. La housse de la selle de son cheval est d'étoffe rouge galonnée, porte indifféremment couteau de chasse, sabre ou épée. Le signalement d'un brigand recherché au XVIIIe siècle, une lecture de Daniel Königsberg dans le cours de l'histoire. Vincent Denis, voilà ce que nous venons d'entendre. C'est tout ce dont disposent les forces de l'ordre pour arrêter quelqu'un. Vous nous avez dit qu'il y avait des documents pour prouver l'identité, mais il n'y a pas de photographie. Donc ce sont ces éléments que l'on rajoute, les cheveux, la taille. En quoi le XVIIIe siècle est un moment intéressant pour la mise en place de l'identité ? Alors, parce que c'est une époque où ces opérations d'identification font vraiment l'objet d'un gros investissement de l'État, avec à partir du début du XVIIIe siècle, en particulier à la fin au début du règne de Louis XV, juste après la mort de Louis XIV, dans une période de crise en fait pour le royaume, qui est à la fois une crise économique, une crise épidémique aussi. En 1720, c'est la peste dans le sud-est de la France et qui dure 2 ou 3 ans, hein, plus que l'échelle de notre pandémie actuelle. Et puis c'est aussi une crise, je dirais, de société, avec effectivement la nécessité, par exemple, de démobiliser cette gigantesque armée de 400 000 hommes. Une crise financière aussi, puisque l'État et l'État XIVien est quasiment ruiné. Et donc, pour cela, il y a une des entreprises extrêmement audacieuses qui sont lancées par le gouvernement du régent, Philippe d'Orléans, qui est un personnage très audacieux, très épris de nouveautés. Hein. On se souvient, par exemple, c'est lui qui lance le papier monnaie avec la banque de Lasse à la même époque. Et donc, vous avez des opérations un investissement dans ce qu'on peut appeler la création en fait de documents d'identité obligatoires en fait pour certaines catégories de la population, avec en particulier l'armée d'abord. Donc tous les soldats doivent être strictement enregistrés et surtout munis lorsqu'ils se déplacent de documents qui prouvent leur identité et qui sont bien en règle. Et puis vous avez ensuite à la même époque aussi des tentatives d'identification totale des mendiants et des vagabonds, c'est-à-dire on a une grande opération, plusieurs opérations en fait d'éradication de la mendicité en France. On croit qu'on va pouvoir régler le zéro mendiant et vagabond dans les rues. Alors, c'est un peu un slogan, mais c'est un slogan qu'on retrouve parfois dans les campagnes électorales, mais qui est ancien. Et en fait, on va les obliger là aussi, en particulier ceux qui ont été attrapés une fois, à avoir des documents qui prouvent que ils doivent rentrer, enfin, les obligent à rentrer chez eux et on enregistre surtout leur identité pour pouvoir les retrouver en cas de récidive, les identifier. C'est-à-dire que s'ils prennent un faux nom, si ces gens se dissimulent, c'est un faux nom. Eh bien, on a un registre des signalements, justement, exactement comme celui que vous avez. Alors, plus précis même, d'ailleurs, un peu moins précis, non, plutôt que celui que vous avez décrit, parce que là, c'est un signalement qui est fait pour rechercher quelqu'un qui est en fuite. Mais vous avez une série d'indications physiques, en particulier, alors qu'ils portent sur le visage, sur les marques éventuelles sur le corps. un peu leur histoire aussi. Et c'est des registres qui sont centralisés ensuite, sur le même modèle d'ailleurs que l'administration militaire pour les soldats, exactement la même chose, à l'hôpital général à Paris. Voilà. Mais c'est un système qui est abandonné au bout de quelques années parce que c'était fait écrasant. On parlera peut-être de ces questions de gestion des données sur les individus. Mais ce qui reste, si vous voulez, c'est deux choses de cette époque qui est très importante parce que c'est des choses qu'on va retrouver par la suite au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. C'est d'abord la centralisation des documents, des données en fait, qui permettent de comparer les documents ou les informations sur l'individu avec ces bases de données avant l'heure. Ces grands registres sont des registres. Et puis l'obligation d'avoir des documents sur soi à certaines périodes pour certains groupes et des documents qui sont standardisés et qui sont émis par une autorité impersonnelle qui est en fait l'administration, c'est-à-dire les hôpitaux généraux, l'armée. Plus tard, ce seront les corps de ville ou les intendants qui délivreront ces documents pour prouver effectivement pour que les individus puissent prouver leurs identités. Et puis, vous nous l'avez bien dit, repérer les éléments, couleur des cheveux, couleur des yeux, les marques sur le corps, une cicatrice, un grain de beauté. S'il n'y a pas de marque, il est possible d'en créer. France Culture. Le cours de l'histoire. C'est pas vrai. Xavier Mauduit. La marque est au fer rouge. Marqué au fer rouge, en l'occurrence, c'est Batman contre Superman. Vincent Denis. Non, mais la marque au fer rouge s'inscrit aussi dans cette volonté d'identifier le criminel. Il est marqué. Oui, mais alors la marque au fer rouge, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est en fait c'est d'abord une peine en fait en soi. C'est-à-dire que c'est une peine afflictive, donc qui est faite pour faire souffrir. C'est effectivement sans doute très douloureux. C'est une petite marque en fait aussi. C'est la taille d'une pièce. Hein, c'est pas marqué comme le bétail, hein, même voilà. Et puis il y aura des essais aussi, par exemple pour les mendiants, de sortes de tatouages sur le biceps. Alors ça fait penser à d'autres choses beaucoup plus sinistres, mais c'est des choses qui ont été tentées aussi au XVIIIe siècle. Et ces marques, en fait seulement une minorité des condamnés et des criminels sont marqués. Par exemple, lors du cartouche, qui avait une bande de plusieurs presque une centaine de personnes qui ont été arrêtées avec lui, etc. 89 d'entre eux avaient déjà été condamnés, mais seulement 9 d'entre eux avaient effectivement été marqués. Donc en fait, on ne peut pas dire que tous les récidivistes étaient marqués. C'est absolument pas systématique. C'est l'arbitraire des peines, c'est les juges qui décident. Et comme c'est une peine, souvent les gens de condition, par exemple, ne sont pas les gens de qualité, par exemple, ou d'autres personnes ne sont pas marquées. Ce qui fait que c'est pas quelque chose de très efficace. En plus, il faut savoir la lire. Souvent, on a des individus, par exemple, qui peuvent gratter leur plaie, dissimuler cette petite marque. Et donc, la lecture n'est pas si évidente. Et puis, quelquefois, ça arrive qu'on prenne une mutilation pour une vraie marque. Voilà. Donc, du coup, à côté, vous avez l'idée, effectivement, d'enregistrer les antécédents judiciaires, de noter. Donc on a d'autres formes pour repérer des condamnés, on a d'autres moyens, c'est des moyens écrits. Donc par exemple, les bannis, au XVIIIe siècle, en France, ils doivent par exemple se tenir à 10 lieues de la cour. Ils n'ont pas le droit d'être à moins de 10 lieues du roi. Et ils ont un document, pareil pour les bagnards, ils ont des congés qui justifient leur identité et des documents qui indiquent qu'ils sont condamnés et qui leur expliquent, qui leur restreignent leur mouvement. Et puis, vous avez cette constitution d'une mémoire judiciaire, alors encore très embryonnaire, mais on commence par exemple à la police parisienne qui est extrêmement sophistiquée au XVIIIe siècle et pour l'époque, qui fait l'admiration de toute l'Europe. Eh bien, cette police du XVIIIe siècle, à Paris, elle se dote de registres là aussi pour tous les voleurs ou les individus signalés, ce qu'on appelle le livre rouge du lieutenant de police, par exemple. Et donc, il y a une expression, être dans le livre rouge, c'est comme être dans les fichiers, si vous voulez, des renseignements généraux, et ou être fichier S, voilà. Et ces gens-là, ça représente quand même plusieurs dizaines de milliers de noms, hein, déjà, voilà, à cette époque. Mais c'est très localisé. Et donc, d'ailleurs, souvent, on a des individus qui... On a des juridictions qui, lorsqu'elles ont attrapé quelqu'un, eh bien, elles écrivent au lieutenant de police, ou elles écrivent, par exemple, au CHURM des galères, sur les bagnes à Toulon, à Brest, pour demander si la personne qu'elles ont, en général en donnant son nom, souvent faux, mais surtout son signalement physique, hein, toujours sur cette base, vous voyez, du registre et de la comparaison avec les informations, par le biais de la correspondance, et ça, on obtient souvent, pas toujours, on obtient une identification positive. Mais pas toujours, ce qui fait qu'on a des fois des gens qui meurent en prison, parce qu'ils sont maltraités quand même en prison à cette époque-là, alors qu'ils n'ont pas été jugés, et sans qu'on ait jamais trouvé leur identité. Oui, les individus sans nom. Question d'identité complexe, Vincent Denis, vous nous parlez au XVIIIe siècle de ces communautés, c'est intéressant, hein. Il y a les militaires surveillés, faut éviter les déserteurs, il y a les vagabonds bien sûr, parce que là le vagabond fait extrêmement peur, puis il y a tous les criminels hein, globalement. Le XVIIIe siècle est celui aussi des lumières, d'une pensée sur l'individu. Est-ce que ces réflexions-là expliquent aussi le souci d'identifier les gens, précisément une personne ? Alors oui, il y a une focalisation effectivement à cette époque-là aussi sur l'individu. Déjà tout simplement parce que il y a une individualisation des conduites en quelque sorte, ce qui fait que vous avez une société qui était construite quand même très largement sur des bases communautaires. Et que vous avez des comportements plus individualistes, par exemple des individus qui vont se déplacer tout seuls lors de migrations saisonnières, au lieu de se déplacer en bande, par exemple, il va falloir inventer des documents individuels. Alors que jusque-là, par exemple, les passeports qu'utilisaient les bandes qui descendaient pour aller travailler depuis les montagnes, dans les plaines, c'était en général des passeports collectifs. On n'imaginait pas de donner des documents individuels comme on a aujourd'hui. Ça, c'est vraiment quelque chose de plutôt nouveau au XVIIIe siècle, parce que c'était encore très courant d'avoir des documents collectifs avec aucun nom, d'ailleurs, uniquement une bande et peut-être un chef d'ouvrier qui se déplaçait. Là, on a cette... Et donc, il y a un rapport, si vous voulez, entre l'individualisation du marché du travail, par exemple, des structures sociales, et puis, effectivement, les documents qu'on va distribuer. À quoi ressemblait un passeport, Vincent Denis, au XVIIIe siècle ? Alors en fait, il pouvait être assez. Il y avait les modèles étaient assez différents, mais il y a des puisque chaque détenteur de parcelles d'autorité publique pouvait en distribuer depuis. Alors les curés distribuaient pas vraiment des passeports, mais des sortes d'attestations de bonne vie et mœurs. Mais les passeports c'était plutôt les villes et toutes les autorités militaires, etc. qui les délivraient. On avait toujours le nom. L'origine, qui était très important, ce qui fait que, sur le modèle d'ailleurs de Jésus de Nazareth, parce qu'il était né à Nazareth, théoriquement, et donc c'est la définition de l'origine, en fait, au XVIIIe siècle, dans l'encyclopédie. Et puis, vous avez, de plus en plus, vous avez le signalement physique. Et ça, c'est intéressant, parce que c'était quelque chose qui était jusque-là réservé aux réprouvés, c'est-à-dire aux militaires, qui étaient quand même des criminels en puissance, aux galériens, aux voleurs, bien sûr, aux condamnés. Et puis ça a quelque chose qui se répand dans l'administration civile et qui prend de plus en plus de place aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment à ce moment-là que les passeports, qui étaient plutôt des documents de privilège pour circuler, deviennent aussi des documents d'identification. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de place à l'intérieur qui est dévolue à l'identification avec de plus en plus d'indications sur la personnalité du porteur, de façon à pouvoir éviter qu'il donne son document à quelqu'un d'autre l'utilise, parce que souvent les indications étaient assez floues, hein, c'est vrai. Mais c'est une démarche passionnante que vous avez, Vincent Denis, dans cette histoire de l'identité, de montrer combien le besoin d'identifier le criminel permet de mettre en place des techniques qui, peu à peu, se diffusent. Et sans surprise, ces techniques-là perdurent, quel que soit le régime, petit tour sous la Révolution. Il faudra que chacun ait un nom, un état, des moyens de subsistance ou des besoins notoires. Les vagabonds et les inconnus formaient autrefois dans la nation une peuplade qui ne se rendait guère visible que par ses attentats. Déjà, on a indiqué, et il vous sera proposé encore, messieurs, des moyens pour fixer dans l'ordre social ces existences funestes et fugitives. Et désormais l'état de vagabond et d'inconnu, devenant un signal de défiance, avertira suffisamment la police et la justice de prendre des mesures répressives contre des hommes justement suspects à la société. Daniel Königsberg est le député Le Pelletier de Saint-Fargeau en 1791, au moment de réfléchir au code pénal, celui de 1791, avec cette volonté, Vincent Denis, d'identifier la population qui, en fait, continue, c'est le procédé d'ancien régime qui existait déjà, qui continue, mais on sent bien ici une volonté d'harmoniser les pratiques. Le moment révolutionnaire est intéressant pour cela, pour l'histoire de l'identification. Oui, parce que c'est le moment où, en fait, les obstacles à identification généralisée sautent. Puisqu'il y avait auparavant les privilèges, donc par exemple au nom des privilèges, eh bien les officiers nobles dans l'armée refusaient de déposer leur qu'on prenne leur signalement physique. C'était une mesure ignoble si vous voulez pour eux. Et vous avez, c'était plutôt des catégories. Bon, il y avait d'un côté les gens qui avaient des passeports, c'était d'un côté on va dire des ambassadeurs, quelques voyageurs de marque. Et puis c'était beaucoup développé quand même pour des populations un peu des populations laborieuses qu'on avait du mal à distinguer des vagabonds, des voleurs, etc. Et donc pour cela, on leur avait imposé par le biais de règlements de police, etc. des documents d'identité. Là, en 1791, alors c'est surtout en 1792, mais la révolution hésite sans cesse, surtout dans ses premières années, à généraliser effectivement. Alors deux choses. D'abord, effectivement, l'enregistrement des populations avec ce qui va être l'état civil, et puis des listes, tout simplement parce qu'il faut des électeurs, il faut que tout le monde soit, il faut que les individus qui ont des droits, en particulier droits électoraux, doivent être enregistrés, donc ça c'est tout à fait essentiel, et cette question du domicile aussi, elle est fondamentale pour les révolutionnaires. Et puis, d'un autre côté, ça va être aussi la volonté, dans un régime qui se sent menacé et qui rêve aussi quand même un petit peu de d'épuration, pas forcément d'épuration sociale, mais en tout cas de contrôler ces populations dangereuses de façon beaucoup plus définitive, eh bien d'imposer des documents écrits, des documents, des passeports pour contrôler les mouvements ou en tout cas identifier en permanence les individus si jamais pour éviter justement ces travestissements, etc. C'est quand même un régime qui est hanté, des régimes qui sont hantés par la question de la transparence, en fait. Et donc, en 1792, malgré une abolition en 1789, eh bien, la révolution, les assemblées révolutionnaires remettent à l'ordre du jour le passeport qui règne pendant toute la période. Alors, passeport, à partir du moment où on se déplace hors du district ou du canton, hein, il faut quand même aller un petit peu loin, mais qui devient obligatoire pour démasquer, eh bien, les individus suspects, et puis bien sûr après les ennemis, aussi les ennemis politiques du régime. Vincent Denis, il est quand même très difficile de confirmer l'identité d'une personne parce que nous entendons bien que la volonté est là, les moyens aussi, mais si quelqu'un est arrêté à Brest et il dit « mais moi je m'appelle Tartampion et je viens de Strasbourg », comment le savoir? Comment prouver son identité? Alors là, il faudrait retourner dans la ville d'origine en fait. Eh bien c'est ce qu'on fait, on écrit, c'est assez compliqué, on regarde le passeport, alors s'il n'a pas de passeport effectivement, ça change évidemment selon les époques. Il peut faire appel à des témoins qui vont attester de son identité. Donc on reste quand même aussi très fidèle encore à des pratiques qui peuvent nous sembler archaïques, mais le témoignage oral, c'est très important. Donc ce qui fait que si vous avez toujours deux témoins dignes de foi, domiciliés comme on dit, eh bien deux habitants de Brest qui vous connaissent, ça suffit. en fait. Donc, ça reste quand même assez frustre, on peut dire. Il y en a un qui revient sans cesse dans sa ville natale d'Arras pour être identifié parce qu'il est pris un peu partout en train de traîner en France. C'est tout simplement Vidocq. L'important pour moi était de gagner du temps en attendant la possibilité de prendre le large, ruminant dans mon crâne les plans d'évasion les plus saugrenus. Tout à coup, une idée jaillit, insensée peut-être, mais si cocasse que je me suis repris à rire. Mm-hmm. L'hôpital était en somme aux mains des religieuses, et la travée où se trouvait mon lit était confiée aux soins vigilants de la sœur Françoise. Ah, ah. C'était une belle fille, grande, brune, haute en couleur, dotée de robustes appas et qui avouait 34 ans. Je décidai de me procurer une partie de sa garde-robe. Avant l'aube, tandis que mes camarades de lit dormaient et que sœur Françoise était à matine, un infirmier que j'avais soudoyé m'apporta robe, guimpe, bas et béguin. Et je ne tardais pas à me revêtir de tous ces affutiaux, et en un rien de temps, je devins sœur Vidocq. Ce qui me donna le plus de mal, ce fut la coiffure. Je n'avais aucune idée de la manière de la disposer, et je savais que la plus simple apparence de désordre dans ses vêtements, toujours arrangée avec une symétrie minutieuse, m'eût inévitablement trahi. Je n'avais qu'un léger duvet blond, presque invisible. Je crois d'ailleurs que sœur Françoise était plus moustachue que moi. Quel vilain Vidocq. Il s'évade du bagne de Brest. Bon, il se fait prendre et justement, il est de nouveau conduit à Arras pour être identifié. Vincent Denis, aujourd'hui, nous réfléchissons à l'identification des individus. Au XVIIIe siècle, il y a cette passion de l'identification. La révolution continue le mouvement. Sous Napoléon, évidemment, encore avec Fouché, mais les techniques ne change pas. C'est-à-dire qu'il y a plus de moyens développés, une plus grande harmonisation des administrations, mais la technique elle-même, au-delà de la description de l'individu, il n'y a pas grand-chose pour les policiers. Oui, on a toujours le système qui consiste à suivre les individus à la trace avec les passeports. Donc effectivement, on peut retrouver les traces de déplacement avec les documents que les gens ont demandé et puis les visas éventuels qu'ils ont pu obtenir, qui marquent leur passage. Les gens, les voyageurs aussi devaient se déclarer lorsqu'ils arrivaient, les étrangers, comme on disait, l'étranger à la ville, tout simplement, devaient se déclarer lorsqu'ils arrivaient dans un lieu pour que les autorités locales, la police locale, aient leur identité. Ensuite, on avait quand même une centralisation de l'administration judiciaire et pénitentiaire sous Napoléon, qui permettait quand même la constitution de ce qu'on a appelé les sommiers judiciaires à partir de 1808. C'est-à-dire qu'on avait une centralisation quand même des condamnations en France. Et c'est un processus. C'est plutôt des données qui sont peu à peu rationalisées, si vous voulez, dans la première moitié du XIXe siècle, et qui vont donner naissance vers 1850 au casier judiciaire. Le casier judiciaire, c'est en fait une réforme qui au départ est faite pour moraliser la vie politique en 1850, c'est-à-dire que chaque candidat doit pouvoir prouver qu'il n'a pas été un repris de justice. Et oui, quand vous avez le suffrage universel, la démocratie, tout le monde s'inquiète un petit peu qui va se présenter. Et donc il fallait présenter un casier judiciaire vierge. Voilà. Alors évidemment, il y a des arrière-pensées évidemment sécuritaires derrière. Il ne s'agit pas seulement de contrôler les politiciens. Et donc, c'est quelque chose qui reste. Et ce processus, ce casier judiciaire, donc, c'est évidemment un élément très important. Et c'est une réforme, d'ailleurs, qui s'implante sur le modèle français. Mais ça existait déjà en Prusse, par exemple, dans toute l'Europe et jusqu'en Égypte même. Hein, vous avez ça aussi dans le monde colonial. Voilà, avoir un casier judiciaire vierge et surtout avoir ses papiers. France Culture. Non, pas vous, l'autre là, Switches Bar, le beau. Le cours de l'histoire. Non, le mec avec le plus bleu là. Bon, tant pis. Xavier Mauduit. Oui, vous avez vos papiers ? Coluche, évidemment, dans le cours de l'histoire. Et Vincent Denis, vous nous avez bien expliqué que dans ces années 1850, il se passe quelque chose d'important, le casier judiciaire. Mais ces années 50 sont celles aussi où se met en place la photographie, donc élément essentiel de l'identification, surtout si la photo est bonne. Si la photo est bonne, j'ai juste en deuxième colonne. Il y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, il y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne. N'a pas plus l'air d'un assassin que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant. De voir tomber des têtes, à la fin ça m'embête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant. Quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme. Ce fils de rien, ce tout est pire. Cette crapule au doux sourire, ce grand gars au cœur tendre qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir de la France contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste, surtout qu'il soit fidèle. Surtout, je vous rappelle, à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon, qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne. Eh ben oui, la photo est bonne. Barbara dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Esther Valenčič, avec aujourd'hui à la technique Audrey Guélil. Le cours de l'histoire qui s'intéresse à l'histoire de l'identification. Vincent Denis, Barbara chantait « Si la photo est bonne », mais la photographie dans la deuxième moitié du 19e siècle révolutionne-t-elle la manière d'identifier les gens ? N'avons-nous pas un peu beaucoup de fantasmes autour de l'apparition de la photo, les années 1850-60 ? Oui, alors c'est vrai que dès 1854, on commence à avoir des photos à la préfecture de police de Paris, qui est pionnière vraiment en la matière. Mais c'est surtout avec la Commune de 1871 qu'on a une utilisation massive de la photographie pour la première fois à des fins judiciaires. Donc il y a des milliers d'individus qui sont pris en photo parce que lorsqu'ils ont été après leur arrestation, ou même d'ailleurs lorsqu'ils ont été tués, hein, et pour conserver des traces en fait de leur identité, effectivement. Cependant, ces photos sont pas tellement utilisées. C'est-à-dire que on retombe sur le même problème que les signalements dont on a montré l'utilisation de plus en plus massive. Et sous l'Empire, vous avez cette centralisation des signalements d'individus recherchés, donc mais en fait les policiers et les magistrats se plaignent de tonnes de signalements qu'ils reçoivent chaque année, qui s'entassent sans classement, et on a un peu le même problème pour les photographies. Et donc ce qui va tout changer, c'est en France, c'est en 1882 la découverte fortuite en fait de possibilités d'identification grâce à la photographie, mais pas seulement, grâce à des mesures aussi, qui sont un système qui est inventé par un employé obscur d'ailleurs de la préfecture, d'Alphonse Bertillon, qui est à l'époque donc employé aux écritures. Alors il est en fait à l'origine d'une véritable révolution identitaire qui est fondée à la fois sur les progrès de la statistique. et la, la, la, la, qui permet donc de différencier, de trouver des caractéristiques physiques qui vont permettre de différencier très vite des individus, mais aussi les progrès de l'anthropologie physique, ce qu'on va appeler l'anthropométrie en particulier, donc la prise de certaines mesures, quelque chose qui existait déjà avant Bertillon, mais Bertillon met au point des systèmes de classement à partir de certaines mesures osseuses qui ne changent pas sur l'individu, et des systèmes de description aussi qui permettent de retrouver rapidement, de singulariser rapidement un individu à partir donc de ces éléments-là. Et donc en fait, ce que Bertillon met au point, c'est un système de photographie normalisé qui permet d'enregistrer justement des certaines caractéristiques du visage. Des descriptions aussi, ce qu'il appelle le signalement descriptif, le portrait parlé, et puis des indications particulières, et puis le relevé bien sûr toujours des marques, des signes particuliers sur l'individu. Et c'est un système qui fait ses preuves dès cette époque-là, en 1882, et donc qui lui permet de devenir assez rapidement le chef d'un nouveau service très moderne pour l'époque. Le service de l'identification judiciaire de la préfecture de police, qui se veut d'ailleurs un peu à l'avant-garde de ce système-là, qui cherche d'ailleurs avec des congrès, avec des rencontres, avec des beaucoup d'échanges internationaux qui se développent en fait, et qui est adopté par toutes les polices du monde à la fin du 19e siècle, hein, jusqu'à Chicago. Alphonse Bertillon est à la préfecture de police de Paris, mais c'est Georges Lyon qui nous en parle. Le docteur Bertillon a établi, pour chaque délinquant, ou pour chaque homme présumé tel, une fiche signalétique qui permettra toujours et très vite de le démasquer et d'établir ses antécédents sans aucune crainte de jamais se tromper quand il sera de nouveau mis en présence de la police. Toutes les mensurations figurent sur les fiches signalétiques de l'anthropométrie judiciaire. Longueur de la tête, prise dans des conditions déterminées et toujours les mêmes, largeur de celle-ci, prise de la même manière, longueur du nez, sa forme, longueur du médius, de l'auriculaire, de la coudée, du pied, hauteur du sujet debout, assis, longueur des jambes, du buste, etc. et empreinte digitale, que pas un homme n'a exactement pareil à un autre. En 1953, dans l'émission Heure de culture française, Georges Lyon, mathématicien, s'exprimait sur Alphonse Bertillon. Et nous entendons bien qu'il y a beaucoup de mathématiques, beaucoup de sciences dans la démarche de Bertillon. Mais cette histoire de l'identification va de pair avec l'histoire de la mesure de la nature, de la mesure des animaux, du classement, cette volonté du classement qui date du XVIIIe siècle et qui se poursuit durant tout le XIXe. Oui, alors Bertillon systématise en quelque sorte des choses qui étaient déjà là, si vous voulez. En particulier, il s'inspire des travaux du statisticien et mathématicien Quetelet, hein, sur l'homme moyen, hein, qui date déjà du milieu du XIXe siècle, en fait, à cette époque-là, et de ses progrès aussi de la médecine et de la découverte d'éléments du corps qui ne changent pas à travers l'histoire de l'individu à partir du moment où il est arrivé à l'âge adulte. Et donc, il s'intéresse à ce qu'on peut appeler, ce que Carlo Ginzburg, hein, le grand historien italien, va appeler la culture indiciaire, c'est-à-dire l'indice, c'est-à-dire que on va identifier un individu non plus à partir de, on va dire, d'une perception ordinaire de son visage, de sa mine, son apparence, qu'on voyait très bien tout à l'heure avec Vidocq ou avec le signalement qu'on a entendu, mais à partir de choses beaucoup plus abstraites qui vont être la forme très caractéristique de son oreille ou bien des mesures du crâne ou des épaules, la longueur de certains os qu'on aura bien du mal effectivement sans un appareil d'ailleurs sophistiqué ou une observation faite par un technicien qu'on aura bien du mal effectivement à découvrir par nous-mêmes. Donc on passe à quelque chose de tout à fait différent pour repérer les individus. Mais Vincent Denis, vous nous avez bien expliqué que le nombre de signalements qui s'accumulaient sur les bureaux des policiers faisait que c'était difficile à utiliser. Avec Bertillon, maintenant, il faut mesurer les oreilles. Est-ce que tout ce qu'il demande est bien accepté ? Alors, effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes, et en plus, on est sous la Troisième République, hein, qui est un régime des années 1880, c'est la conquête républicaine, c'est un régime libéral, on a les lois, une libéralisation dans tous les domaines en France. Mais c'est aussi, en 1885, le régime qui vote la loi de relégation. C'est-à-dire que les récidivistes, en particulier, sont éloignés, en fait, parfois même du territoire national. Hein. Ça va être le bagne, ça va être donc des individus qui n'ont pas le droit de revenir dans les lieux où ils ont perpétré leurs crimes, etc., malgré leur condamnation. Et donc, pour ça, eh bien, on va légitimer, en fait, eh bien, la République va tout à fait accepter, en fait, la prise de ces mesures pour ces individus qui sont effectivement des condamnés, même s'ils ont payé leur peine, eh bien, ils doivent quand même être surveillés. Donc, il y a même des passeports, des livrets anthropométriques, par exemple, qui vont être sur le modèle des techniques de Bertillon, que certains doivent avoir sur eux lorsque ils sont interdits de séjour dans un certain nombre de communes. Les gendarmes peuvent évidemment contrôler leur identité et s'assurer qu'ils ne sont pas sur les lieux les lieux justement dont ils sont bannis. Hein, voilà. Quand il s'agit de l'histoire de l'identification, il ne faut pas tout mélanger, il faut identifier le criminel, celui qui a fait quelque chose de mal. Mais il y a toujours ce va-et-vient entre la volonté aussi d'imposer dans la société une identification, avec peut-être le au cas où, savoir qui sont les gens. C'est vrai que cette identification voulue pour les criminels se diffuse peu à peu. Et sous la Troisième République, encore, on a de plus en plus d'éléments qui permettent d'identifier les gens, même s'ils n'ont rien fait, même si en soi ils n'auraient pas besoin d'être identifiés. En fait, c'est cette question, il ne faut pas la voir comme forcément quelque chose d'oppressif, l'identification. On a nous-mêmes, on est identifié de plein de manières, et on n'a pas forcément, jeté en prison pour autant. Mais en fait, le développement de tout simplement des relations économiques nécessite en fait des formes de confiance et d'établissement de la confiance, et ça passe justement par ces techniques là donc le développement d'une société qui est plus complexe, avec les déplacements aussi sont plus importants que dans les époques anciennes. Ce changement, si vous voulez, de société à la fin du 19e siècle, eh bien, il est tout à fait important. Et ces documents, l'essor de ces documents-là, eh bien, qui progresse très progressif, il est là pour accompagner en quelque sorte cette grande transformation de la société française et à travers des sociétés européennes, avec l'industrialisation et la démocratisation aussi. Et puis avec une professionnalisation de la police, une histoire de la police qui est émaillée de grands noms, par exemple Alexandre Lacassagne. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous allez entendre les mémoires improvisées du docteur Edmond Locard, recueillies par André Mur. Je suis allé me présenter à M. Lacassagne au laboratoire de médecine légale et il a bien voulu m'accueillir. Où était à l'époque le laboratoire de médecine légale ? Dans l'ancienne faculté, c'est-à-dire sur le quai du Rhône, sur le quai Claude Bernard. Et M. Lacassagne était là, je peux dire, toute la journée. À cette époque, évidemment, on ne savait presque rien et on n'était pas très calé en médecine légale, ni d'ailleurs en médecine tout court. Monsieur Lacassagne a fait d'innombrables découvertes trop techniques pour que je puisse les exposer ici. Voilà, alors là, nous avons un médecin légiste, Edmond Locard. C'est émouvant d'entendre ça, parce que Edmond Locard, en 1961, se souvient d'Alexandre Lacassagne. Là, nous sommes à Lyon. Lyon, gros centre hein, pour la police scientifique. Oui, en fait, c'est à Lyon que finalement a vu le jour le centre que Bertillon aurait aimé avoir, c'est-à-dire un vrai centre de police scientifique qu'on lui a toujours refusé à la préfecture de police de Paris. Il faut dire qu'entre-temps, vous allez avoir d'autres techniques qui vont se développer, et en particulier quelque chose qui concurrence et qui finalement s'établit de façon bien plus importante finalement que le système anthropométrique de Bertillon, c'est le système dactyloscopique, les empreintes digitales, hein, à partir donc de la fin du 19e siècle, avec plusieurs systèmes de classement, mais le plus connu c'est celui mis au point par Francis Galton. Le pôle lyonnais, c'est créé par Lacassagne, qui est un élève de Bertillon, en quelque sorte, il va devenir effectivement un grand centre européen, de police scientifique dans l'entre-deux-guerres et jusqu'aux années 50. Vincent Denis, nous avons commencé cette émission au XVIIIe siècle. Alors on décrivait avec la couleur des cheveux et la couleur des yeux. Puis on sent que tout doucement, tout ça s'améliore. Mais des améliorations, on pourrait même aller jusqu'au papier d'identité. La carte d'identité, c'est une amélioration, mais de choses qui existaient déjà. La vraie révolution dans cette histoire de l'identification, on le sent bien, a lieu au XXe siècle avec l'ADN. Oui, alors ça c'est une dernière, ça c'est effectivement les innovations les plus récentes. C'est vrai que cette la découverte en fait non plus de traces. Alors on est dans des traces, même plus d'ailleurs des mesures. Il suffit de faire des prélèvements où c'est des choses que des traces que l'individu va laisser effectivement sur sur les lieux qu'il a touchés ou les corps du délit ou bien des cheveux, etc. Et c'est effectivement des éléments qui permettent d'identifier avec bien plus de certitude, même si ça reste encore, il y a toujours une très légère marge, mais infime, hein, effectivement, d'erreurs possibles, mais ça réduit encore plus l'incertitude par rapport aux moyens qu'on avait d'identification. Et puis c'est une technique, je dirais, qui est plus éprouvée finalement aujourd'hui en laboratoire que les formes de mesure, etc., qui étaient assez complexes. Ouais. Il y a l'histoire des techniques de l'identification, mais il y a aussi l'histoire de la volonté de diffuser ces techniques. Et ça va de pair. Ce n'est pas parce que l'on sait mettre en place une identification avec une carte d'identité que tout le monde va avoir une carte d'identité. C'est une décision politique. Oui, et c'est véritablement dans le détail aussi que se jouent ces questions, et en particulier les questions de droit, les questions de liberté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la CNIL, par exemple, se bataille avec les services de police depuis des années, qui aimeraient interconnecter tous les fichiers dans lesquels nous nous trouvons, sécurité sociale, impôts, etc., parce que ça permettrait d'aller plus vite. Ou un des grands enjeux, ça a été la centralisation ces dernières années du fichier des cartes d'identité, qui était départemental depuis la création des cartes au milieu des années 50, et qui effectivement aujourd'hui sont en train d'être centralisées. Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé un petit peu de façon, c'est un débat technique, mais qui intéresse tout le monde, parce que on va peut-être réaliser ce grand fichier dont on rêvait au XVIIIe siècle. Et ben voilà, écoutez, le XXIe siècle va permettre de réaliser les rêves des hommes et des femmes du XVIIIe siècle. Alors, est-ce pour le mieux ou pour le pire? Ça, c'est une autre question. En tout cas, pour réfléchir à l'histoire de cette identification, Vincent Denis, il y a votre ouvrage avec Ilsen Aboud, Une histoire de l'identité en France, et surtout aussi cet ouvrage que vous avez co-dirigé, Un police d'empire du XVIIIe au XIXe siècle. Merci vivement à vous de nous avoir reconnus. On va réfléchir à toutes ces questions d'identité. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Vous allez nous parler d'une terrible découverte qui éclaire le sort des enfants amérindiens du Canada. Nous sommes aujourd'hui en Colombie-Britannique, où près du site du pensionnat indien de Kamloops, qui a fonctionné de 1890 à la fin des années 70, 215 dépouilles d'enfants ont été retrouvées lors d'une campagne de détection missionnée par la communauté amérindienne locale. Kamloops, le plus grand pensionnat du Canada, accueillait environ 500 élèves, au plus fort de son activité, assurée par l'Église catholique jusqu'en 1969, date à laquelle le gouvernement fédéral a pris le relais. Le Premier ministre Justin Trudeau a pris acte des résultats de ces sondages au radar. Pour honorer les 215 enfants qui ont perdu la vie à l'ancien pensionnat de Kamloops, ainsi que les survivants des pensionnats et leurs familles, les drapeaux des édifices fédéraux seront en berne jusqu'à nouvel ordre. C'est important de faire de la sensibilisation et de l'éducation à propos de ce chapitre sombre de l'histoire de notre pays. La découverte est consternante, mais pas surprenante, et vient documenter une enquête en cours depuis 20 ans sur le sort des Autochtones du Canada, conditionnée par l'Indian Act, une loi de 1876 qui en faisait des citoyens de second ordre, relayés dans les réserves créées pour l'occasion. Ce statut les obligeait également à confier leurs enfants au système scolaire de leur réserve, financé par l'État et dirigé par des missions protestantes et catholiques. Le système a décliné au cours des années 70 et la dernière école a fermé en 1996. Une commission d'enquête nationale a dénombré la disparition d'au moins 4000 enfants pensionnaires victimes de mauvais traitements et de négligence en 2015. Des rumeurs couraient depuis longtemps sur l'existence de tombes clandestines et non identifiées dans les écoles ou à proximité. Cette dernière découverte permet d'en faire la preuve pour la première fois. C'est un des grands tabous de l'histoire coloniale canadienne dont les survivants, les enfants revenus de ces pensionnats, sont les témoins présents chaque jour dans l'ordinaire du pays. C'est d'ailleurs l'histoire de l'un d'entre eux, Edmund, qui ouvre le documentaire de Gwenlawen Le Gouille, Tuer l'Indien dans le cœur de l'enfant, visible sur Arte TV. Edmund n'a pas grandi en Colombie-Britannique, mais dans le nord de l'Ontario, à Fort Albany. Il raconte ses 8 années passées au pensionnat Sainte-Anne, ses cheveux coupés sans ménagement à son arrivée, l'interdiction de parler sa langue maternelle, ses vêtements brûlés et son nouvel uniforme. Il raconte aussi les coups reçus, les humiliations et la punition de la chaise électrique qu'il a subie 2 fois à l'âge de 7 ans. L'organisation d'un traumatisme durable de générations entières d'enfants qui hante encore aujourd'hui les communautés autochtones du Canada. Une politique établie avec l'objectif de sédentariser un peuple nomade, de fragiliser ses relations à son histoire et à sa culture pour mieux contrôler ses territoires et leurs ressources. La commission d'enquête a qualifié dans son rapport le sort réservé à ses enfants de génocide culturel. Depuis, les églises protestantes ont présenté leurs excuses, mais le Vatican s'y refuse encore aujourd'hui. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Viudès, Odile Jouessel, Juliette Corbel-Vivas, une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guiziou. Sécurité, sûreté, liberté, à l'ombre du crime, toute la semaine dans le cours de l'histoire. Et demain, eh bien, quand les femmes rendent coup pour coup des suffragettes au MLF, des émissions à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France.